On va parler du UFC 243 avec notre ami Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. C'est en Australie demain, ce UFC 243. C'est Robert Whittaker contre Israel Adesanya. Oui, ah ouais, ça va être un bon duel, ça, parce que, écoute, là, maintenant, Adesanya, on sait qu'il a gagné le championnat contre Gastelum la dernière fois. C'est un gars qui est super spectaculaire. Par contre, on n'a pas vu encore beaucoup là, sa game au sol. Ça pourrait être intéressant. Puis on sait que Robert Whittaker, lui, il est champion aussi, mais sauf qu'il était blessé, donc il n'a pas pu combattre depuis 2 ans. C'est son retour. C'est un gars qui est plus complet, à mon avis, mais qui est peut-être un petit peu moins bon debout. Mais les deux ont l'air vouloir faire une guerre debout. Fait que ça va être intéressant. Dans ce sens-là. Mais si j'aimerais ça qu'Adenatia, son sol soit testé un petit peu là, pour qu'on voit un peu de quoi ce qu'il a l'air quand il est sur le dos. Donc, mais on s'attendait pour dire Whittaker, c'est un bon combattant, mais l'autre, c'est pas un gros adversaire pour Whittaker. Ah, oui, c'est un gros adversaire. Écoute, Adesanya, surtout un gars comme toi là, qui a beaucoup qui a beaucoup d'espoir de combat de frappe, là. Tu regarderas un peu ses vidéos sur YouTube. C'est un kickboxer, il est champion du monde là, plusieurs fois. C'est toute une machine debout, là. Par contre, comme j'expliquais, c'est le sol qu'on ne sait pas trop encore, malgré qu'il est capable de rester debout, ça, c'est important. Fait que là, c'est dans ce sens-là que ça va être. Mais les deux gars ont dit que ça allait rester debout. Fait que, ils vont se taper sa baboune là, pendant 4-5 rounds, ça va être intéressant. Ensuite, tu as les autres combats à surveiller. Ben, c'est du monde moins connu, là, mais bon, il y a la demi-finale avec Al Iaquinta contre Dan Hooker. C'est deux toughs, là. Ça va être une autre bagarre bien, bien intéressante. C'est deux gars bon, qui ne seront pas champions, là, mais quand même, on se rappelle que Al Iaquinta, c'est lui qui a donné le plus de misère à Khabib à venir jusqu'à date. Il avait réussi à quand même à faire. Il avait pris ça en short notice contre Khabib, puis il avait réussi à faire les 5 rounds. Ça avait été une belle performance, ça. Fait que contre Dan Hooker, qui lui aussi c'est un tough, fait que ça va être un beau combat. Mais pour le reste, écoute, les autres sont moins connus un petit peu. Il n'y a pas vraiment de Canadiens. C'est du monde de là-bas un peu plus, là. Pour l'amateur moyen, c'est sûr qu'à part les deux combats principaux, là, les autres sont moins connus. Parle-moi maintenant de ce qui de Dana White qui dit qu'il finalement il détesterait pas un combat entre GSP puis Khabib. Ouais, Dana White, il change souvent ben, il change souvent. Ça a eu une couple de fois de changer d'opinion, c'est correct. Il avait dit que jamais il allait avoir de femme, puis il en a eu. Puis il avait dit que non, il referait pas ça encore, faire battre. Il avait dit non à GSP. Ils ont essayé de le faire pendant un bon bout de temps, puis les négociations, ça a avorté, là. Ils ont dit non, on veut pas. Fait que, mais là, il a commencé à en parler, ça fait une semaine. Bon, là, on a vu des photos de Georges qui avait fait une coupe de poids, il est tout maigre. Pour moi, il nous prépare quelque chose. Donc, on va surveiller ça de près. Aussi, Daniel Cormier qui va se battre dans son dernier. On dit que c'est peut-être le dernier combat de Daniel Cormier. Oui, ben là, il l'a dit lui-même. La dernière fois, il n'était pas sûr. Il n'avait jamais vraiment annoncé fermement. Là, il l'a dit, c'était mon dernier combat. Puis il oublie ça. Il dit oubliez ça contre John Jones. Là, il est tanné un peu. Il va le faire contre Stipe Miocic chez les poids lourds. Donc, ça va être le fun. Écoute, Daniel Cormier, c'est un grand athlète. Il s'est battu poids lourd une bonne partie de sa vie. Il avait jamais été vaincu. On s'en rappelle aussi chez les lourds légers à 205. Il a perdu deux fois, puis deux fois contre John Jones. Tous ses autres combats, il les a remportés. C'est un très, très grand athlète, un Olympien, un bon gars aussi, un bon père de famille. C'est un bel exemple pour les flots. Puis ça va être son dernier combat. Il va être rendu à 40 ans. C'est correct, c'est un sport de jeune, l'MMA. Puis c'est aussi bien arrêté quand c'est le temps. Ben, Claude, ça fait le tour pour cette semaine. Parfait. Notre ami Claude Perron qui nous parlait du UFC 243 qui s'est présenté demain en Australie.